Avant de rejoindre Lear et le fou, Kent confie à un gentilhomme sûr la mission de rejoindre Douvres, où Cordelia, informée du sort réservé à son père et des dissensions qui se font jour entre Albany et Cornouailles, a débarqué avec l'armée du roi de France. De son côté, Gloucester, pris de pitié pour le vieux roi, part à sa recherche. Mais, dénoncé par Edmond, Gloucester est accusé de complicité avec les Français, si bien que Cornouailles lui fait crever les yeux, tandis que Wigan lui arrache les poils de sa barbe. Un des serviteurs de Gloucester s'étant interposé, après avoir blessé mortellement Cornouailles, est lui-même tué par Wigan. Entre-temps, Lear et le fou ont trouvé refuge dans la cabane de Tom, alias Edgar, le fils légitime. Entre Edgar. Mieux vaut être méprisé et le savoir qu'être méprisé et s'entendre flatté. L'être le plus vil, le plus infime, le plus disgracié de la fortune est dans une perpétuelle espérance et vit hors d'inquiétude. Il n'est de changement lamentable que pour le bonheur. Le malheur a pour revers la joie. Sois donc la bienvenue, bise impalpable que j'embrasse, le misérable que tu as jeté dans la détresse et quitte envers tes orages. Mais qui vient ici ? Entre Gloucester conduit par un vieillard. Mon père, si pauvrement escorté. Monde, monde, ô monde, il faut donc que d'étranges vicissitudes te rendent odieux pour que la vie se résigne à la destruction. Sans se faire connaître de lui, Edgar part avec son père à Douvres. Pendant ce temps, Lear, qui a perdu la raison, arrive lui-même à Douvres et rencontre sa Benjamine, Cordelia.